Le mardi 5 juillet, ici, Dominique Lelièvre et les informations. D'abord, les premiers ministres Justin Trudeau et Philippe Couillard ont présenté aujourd'hui une entente conjointe pour le financement des infrastructures, la première du genre pour une province canadienne. Les infrastructures, les investissements plutôt, profiteront surtout à Montréal, qui récolte pas moins de 80 % de l'argent destiné au transport collectif. La Société de transport de Montréal, qui pourra aller de l'avant avec la réfection de son métro. Le service rapide par bus de Québec, lui, n'est pas présent dans cette entente. Justin Trudeau a expliqué que le SRB est un projet important qui nécessitait davantage d'analyse. Il faudra attendre la deuxième vague d'investissement en 2019. Citons parmi les autres investissements une enveloppe de 360 millions destinée à améliorer le traitement des eaux usées dans diverses municipalités québécoises. Et nouveau chapitre dans la saga de l'examen d'histoire de secondaire 4, dont la question numéro 22 avait été retirée. Les élèves pourront récupérer tous les points associés à cette question. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministère de l'Éducation. Cette question qui avait été enlevée dans un premier temps après que des informations aient circulé sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que cela avait eu un effet à la baisse sur la note d'une majorité d'étudiants. La question vaut tout de même pour le quart des points de l'examen. Et l'examen est obligatoire pour obtenir le diplôme du secondaire. Un sérieux problème, donc, et le ministère a présenté sa solution aujourd'hui. Le ministère qui a tenu à préciser qu'il renforcerait la sécurité entourant ces épreuves à l'avenir. Nathalie Normando maintenant demande une enquête préliminaire et un procès devant jury. La cause de l'ancienne vice-première ministre reprenait aujourd'hui au Palais de justice de Québec, ainsi que celle des 6 autres accusés arrêtés par l'UPAC, dont l'ancien ministre libéral Marc-Yvan Côté. Les accusés étaient tous absents ce matin. Leurs avocats ont réclamé une enquête préliminaire, remettant ainsi en question la tenue même du procès. La preuve de la couronne sera étudiée dans le cadre de cette enquête, ce qui devrait entraîner des retards de plusieurs mois. Rappelons que Nathalie Normando fait face à 7 chefs d'accusation, dont corruption, fraude et abus de confiance. Elle risque 14 années d'emprisonnement. Enfin, la troupe de cirque Flip Fabric, originaire de Québec, est installée depuis hier à l'Agora de Québec pour préparer le nouveau spectacle « Raviver les braises ». La troupe rencontrait les médias ce matin pour présenter des extraits du spectacle qui se tiendra gratuitement cet été du 22 juillet au 4 septembre. Les numéros qui se dérouleront dans un décor apocalyptique composé de vieilles voitures et de cailloux, les 14 acrobates se chargeront de redonner vie à ce décor, accompagnés de 5 musiciens. Le tout est financé par la Ville de Québec au coût d'1,7 million de dollars. C'est la deuxième année que la Ville finance ainsi une production de cirque à l'Agora. Et c'est ce qui complète ce tour d'actualité. Bonne journée à l'écoute de CKRL. Midi Jazz vous est présenté par Audiolite, l'expert en son et images. Audiolite.qc.ca.